Mon goût pour M. Venture, plus raisonnable dans sa cause, fut aussi moins extravagant dans ses effets, quoique plus vif et plus durable que celui que j'avais pris pour M. Bacle. J'aimais à le voir, à l'entendre. Tout ce qu'il faisait me paraissait charmant. Tout ce qu'il disait me semblait des oracles. Même mon engouement n'allait point jusqu'à ne pouvoir me séparer de lui. J'avais à son voisinage un bon préservatif contre cet excès. D'ailleurs, trouvant ses maximes très bonnes pour lui, je sentais qu'elles n'étaient pas à mon usage. Il me fallait une autre sorte de volupté, dont il n'avait pas l'idée, et dont je n'osais même lui parler. Bien sûr qu'il se serait moqué de moi. Cependant, j'aurais voulu allier cet attachement avec celui qui me dominait. J'en parlais à maman avec transport. Le maître lui en parlait avec éloge. Elle consentit qu'on le lui amena. Mais cette entrevue ne réussit point du tout. Il la trouva précieuse, elle le trouva libertin. Et, s'alarmant pour moi d'une aussi mauvaise connaissance, non seulement elle me défendit de le lui ramener, mais elle me peignit si fortement les dangers que je courais avec ce jeune homme, que je devais un peu plus circonspect à m'y livrer, et très heureusement, pour mes mœurs et pour ma tête, nous fûmes bientôt séparés.